وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer ? Voilà un chemin bien droit. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas ? هذه جهنم التي كنتم توعدون. Voici l'enfer qu'on vous promettait. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront. Et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir ? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne seront ni avancés ni revenir. ومن نعمره ننكسه في الخلق. أَفَلَا يَعْقِلُونَ. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas ? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. À Mohammed, ne nous lui avons pas enseigné la poésie ? Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, Coran, clair. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Ne voient-ils donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires ? وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Et nous les leur avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. ولهم فيها منافع ومشارب. أفلا يشكرون. Et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants ? واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir d'être secourus. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent.